autre. Des nuages passent dans le ciel. Dans la monde imaginaire, je veux se sentir. Que va-t-on devenir? Je ne sais vraiment pas quoi te dire. Tu me pousses au désespoir, ensoleillé. Tu fais venir les larmes aux yeux de moi. Cela me déchire le cœur, ensoleillé.